Chapitre 7e, Intermède. Les Buxins ayant sonné l'intermède et annoncé la représentation, tout le monde s'assembla dans le cirque où Orlys et Férimonde se placèrent sous un dais de velours, ayant à leurs pieds le beau page équivoque. Aussitôt, une musique suave et singulière s'élève. De funambules paraissent. Ce sont un jeune homme et une jeune femme, très beaux. La nudité musclée de l'un et la nudité mollement ronde de l'autre se dessine sous une fine soie collante, noire pour l'homme, couleur de chair pour la femme. Ses seins pointent et sa croupe se cambre. Tous deux saluent jusqu'à terre et le baladin récite ce court prologue. Applaudissez les pantomimes, ou pour vos chères seigneuries, en geste éternel nous mime, l'amour et ses vieilles féeries. Vous qu'entoure l'aube charmante, faites l'aumône d'un sourire, ô prince, à ceux que tourmente ce mal dont il leur faut mourir. Après quoi, déroulant un parchemin gravé en lettres d'or, ils en exposent aux yeux du prince et de la princesse la rubrique ainsi conçue, pantomime du désir. Ils se retirent à reculons et disparaissent. Aussitôt, prélude la musique, suave, ailée, fragile, palpitante, cependant que des gaz diaphanes, blanches et bleues, se tendent au dôme du cirque et s'y balancent en nuées molles, indiquant que ce premier décor du divertissement n'est autre que l'air. Toutes sortes d'oiseaux lâchés s'envolent et se heurtent au gaz comme aux mailles d'une immense volière. Les uns pépient, d'autres chantent. Des perroquets parlent, tandis que les singes se trémoussent et gambadent. Mais voici les acteurs, de grands singes, mâles et femelles. Qui les reconnaîtrait? Mais ils ont levé le temps d'un éclair leur masque de bête, et l'on a reconnu le beau visage de l'homme et le délicieux sourire de la femme. Le singe amoureux appelle la guenon, et en des gestes qui parodient irrésistiblement l'humanité, il lui jure sa tendresse et l'appelle au baiser. Moqueuse, elle se dérobe, il la poursuit, et la chasse commence. Long de fils de fer tendus, de fins trapèzes volants, d'anneaux lancés dans le vide, de cordes pendantes presque invisibles, la femme, troublante en son maillot de poil et quand elle montre la tonsure rose de son derrière, s'enlève, s'élève, s'élance, s'envole, moins singe qu'oiseau, plus oiseau que les oiseaux mêmes. L'homme la poursuit sans jamais l'atteindre, enroulant sa grande queue au trapèze envolé, se précipitant par de furieuses cabrioles à travers l'espace. Il va la saisir, mais elle traverse en courant un fil raide. Il la suit et l'étreint. Elle lui échappe en tombant dans le vide. Un anneau arrête sa chute, elle s'y balance, se jette et se raccroche des pieds à une corde, le long de laquelle elle grimpe avec agilité en enlevant l'extrémité entre ses dents. Ainsi isolée de son poursuivant, elle le nargue et l'appelle. Et lui multiplie ses supplications amoureuses et désolées que parodient les singes véritables et qui étonnent les oiseaux. Puis, un bruit inattendu du singe mâle. Le haut du cirque s'ouvre et à travers le déchirement strident des gaz, oiseaux, singes et funambules s'envolent et disparaissent. La nuit succède au jour. Une obscurité profonde règne, pendant laquelle une fraîcheur et un murmure d'eau se répandent dans la salle. La musique, fluide et liquide, a des frissons doux, des langueurs humides. Toutes les lumières se rallument et l'on voit l'eau. Le fond du cirque s'est changé en un lumineux palais de cristal et d'eau. Des nénuphars tremblotent. Des poissons de toute taille nagent dans l'immense et merveilleux aquarium. Des moules se collent aux rochers, des crabes boitent sur le sable, des anguilles ondulent comme des rubans, des langoustes reculent, des ours aboient. Et les acteurs? L'œil les cherche. En haut, en bas. Hors d'une caverne gardée par des poulpes émerge un éclair d'argent, la femme. Elle a le visage nu et les cheveux verts d'une ondine. Une gaine d'écailles enserre son corps d'anguille. Un autre éclair palpite. C'est l'homme, merveilleux poisson d'or. Il fond sur sa proie. Elle lui échappe, par d'adroits crochets, par de subits plongeons, par des fuites sous des voûtes et en des méandres de grottes lacustres. Longue est cette poursuite, et quand elle l'a fatiguée, lascive, elle lui glisse entre les jambes, entre les bras, elle l'enlace, elle l'enveloppe, insaisissable, sans qu'il puisse seulement l'arrêter par sa flottante chevelure de plante. Et son sourire de damnation est exquis et terrible. Elle tresse une couronne de nénuphars et en coiffe ironiquement le poisson mâle, dont les nageoires et la queue battent d'un râlant et mourant désir, vers elle cambrant dans l'eau sa croupe et ouvrant en ciseaux ses jambes fines. Galvanisé, l'homme se rue à l'étreinte. Mais, la nuit de nouveau se fait, le lumineux palais d'eau et de cristal s'éteint, tout s'évanouit en un rêve. La musique gronde, halète, souffle, l'orage s'annonce, une chaleur lourde d'étuve ou de brasier s'élève dans la salle, et voici le feu. Des flammes sans fumée, d'immenses flammes d'incendie montent du fond du cirque, et la femme paraît, inséparablement poursuivie par l'homme, tous deux en salamandre. Elle rampe dans les flammes, lui se glisse et se contourne, mais encore et toujours elle évite l'approche et recule, lui crachant du feu aux narines, insensible elle-même aux flammes qui l'allègent, sans que son blanc visage en rougisse. L'homme cependant se roule, se convulsionne de désir, éternellement en vain. Alors le mirage cesse, les flammes s'éteignent, les carapaces de salamandre tombent. Une musique désolée comme le vent d'automne s'élève. Et maintenant, c'est la terre. Une terre grise, âpre et nue, sans arbres et sans eau, et l'homme et la femme sont nus comme cette terre. Hélas, mime et implore l'homme, mon amour t'a poursuivi à travers les éléments et s'est incarné aux formes des bêtes. N'auras-tu pas pitié de moi, aujourd'hui que, revenu à la nudité humaine, nous foulons la terre ferme, que rien, ô ma douce chair, ne nous sépare plus. Mais la femme tristement danse, au bord d'une fosse creuse que l'homme ne voit pas, et ses gestes tragiques en leur ampleur rythmée disent l'impossible réalisation du désir humain, et qu'il n'existe vraiment qu'en lui-même, en tant que désir, et que seule la poursuite de la chimère impossédée importe. Et dansant toujours, elle met un pied dans sa tombe et bientôt l'autre, et peu à peu elle s'enlise dans la terre molle où d'affreux vers et des escargots pullulent. Enfoncée jusqu'aux genoux, elle descend, et l'on ne la voit plus qu'à demi-cuisse, puis qu'à partir du ventre, puis sombre son nombril et ses seins fleuris de rose, et ses aisselles aux poils dorés et ses bras. Enfin sa tête, à ras du sol, gît comme décapitée, tandis que l'homme à plat ventre et crispé retient d'un horrible effort cette tête adorable qui lui échappe et disparaît. Plus rien, le silence, la terre nue, l'homme pétrifié d'horreur, et le temps qui s'écoule, immense et lent. Un soupir douloureux. Et l'homme s'est armé d'une bêche, et voici qu'il creuse le sol amer, longtemps, longtemps, essuyant de ses bras la sueur qui ruisselle de son front et de sa poitrine. Pour aller plus vite, il arrache la terre avec ses ongles. Enfin la femme apparaît. Sa radieuse beauté s'est réduite en squelette, les vers ont mangé le reste. Et ce squelette, l'homme l'étreint, le secoue à plein bras et l'épouse, dans un horrible et désespéré sacrilège. Et baisant ses os et s'y fondant, il se pâme dans la mort. Alors, de mystérieuses fleurs poussent d'entre ce squelette aride de la femme et mangent la chair de l'homme. Des roses fleurissent les côtes de la morte, des pensées sortent des orbites caves, des tubéreuses et des violettes s'exhalent du bassin, et sous cette végétation morbide, à l'âcre parfum, à l'âpre couleur, le squelette de l'un et le cadavre de l'autre s'abolissent, les fleurs monstres les dévorent, et seules elles triomphent, bouquet vivant et gigantesque qui s'étale, s'élargit et déborde l'arène aux applaudissements des spectateurs. Ainsi finit la pantomime.